on a pratiquement l'impression d'avoir affaire à un roman historique. Le narrateur prend la voix d'un historien qui nous rapporte des faits. Et d'ailleurs, le texte s'ouvre non pas directement sur le récit, mais sur un prologue qui donne des informations sur le monde fictionnel. Il y a des extraits d'archives. Et en fait, bon, c'est à la fois ludique dans l'esprit de Tolkien et extrêmement sérieux. C'est en même temps un hommage, je crois, à la littérature médiévale qui essaie de faire jouer la une sorte de dialectique entre le merveilleux et l'affirmation que le texte dit le vrai. Pour un Français, la chanson de Roland, les textes de Tristan et Iseut, chez Chrétien de Troyes également, on a toujours des références à des sources écrites qui fondent l'autorité du texte. Et Tolkien met ses pas dans cette tradition, ça n'est pas du tout par naïveté qu'il le fait, c'est très consciemment. Il est désireux d'amener le lecteur à adhérer au texte pour que le lecteur interprète et puisse accéder à la réalité qui l'entoure par le biais du merveilleux. C'est ça l'enjeu du merveilleux chez Tolkien, et c'est pour cela qu'il a choisi ce biais, alors que visiblement, il a été tenté pendant un moment par une écriture beaucoup plus réaliste. Et il a choisi, comme l'a dit Yann Besson tout à l'heure, au milieu des années 1916-1917, le biais du merveilleux, dans les premières versions de ce qui deviendra le Silmarillion, et qui est l'œuvre qui l'accompagnera toute sa vie, qu'il n'achèvera pas parce qu'il écrira un certain nombre de versions en vers, en prose. Il choisit ce biais du merveilleux consciemment pour inviter le lecteur à réfléchir à sa vie d'homme et au XXe siècle, au monde qui l'entoure. Donc le merveilleux ne serait pas un détour ou une sortie hors du monde, mais au contraire, la façon la plus directe de penser le monde dans lequel nous vivons. Pour Tolkien, oui, pour ses successeurs, moins. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il faut distinguer Tolkien, son œuvre, ses ambitions, et ce qu'il est devenu. Ce qu'il est devenu par le biais des adaptations successives, notamment de l'adaptation cinématographique de Peter Jackson, dont on a entendu quelques petits extraits. Ce qu'il est devenu par le biais de sa récupération par le jeu de rôle, par exemple, Donjons et Dragons, c'est très important, par tout un pan de la culture populaire contemporaine, en fait, aujourd'hui, qui s'appuie sur des univers néo-médiévaux. Donc ça, c'est ce que Tolkien est devenu, et il est devenu plutôt synonyme, justement, d'un désir d'évasion, que lui-même ne condamnait absolument pas, mais qu'il envisageait davantage, justement, comme une façon de ne pas accepter le monde tel qu'il était. Vouloir s'engager contre le monde. Alors qu'aujourd'hui, bon, on est peut-être davantage dans quelque chose qui relève de l'escapisme anglais, c'est-à-dire d'une distance volontaire avec le monde. Alors je vous l'avais promis, on va l'entendre cette fois pour de bon. Tolkien, interprété par George Clay, c'est un extrait de son ouvrage intitulé « Du conte de fées » qui était une conférence de 1939, publiée ensuite en 1945. Écoutez. Nous devrions contempler de nouveau le vert et être de rechef saisis, mais non aveuglés, par le bleu, le jaune et le rouge. Nous devrions rencontrer le centaure et le dragon, et puis peut-être voir soudain, comme les anciens bergers, les moutons, les chiens, les chevaux et les loups. Ce recouvrement, les contes de fées nous aident à le réaliser. De ce point de vue, seul un goût pour eux peut nous rendre ou nous conserver l'état d'enfance. Le recouvrement, qui implique le retour et le renouvellement de la santé, est un regain, celui d'une vue claire. Il nous faut nettoyer nos vitres de façon que les choses clairement vues soient débarrassées de la grise buée de la banalité ou de la familiarité, du caractère de possession. De tous les visages, ceux qui nous sont familiers sont en même temps ceux avec lesquels il est le plus difficile de jouer des tours fantastiques et les plus difficiles à voir réellement avec une attention fraîche pour en percevoir la similitude et la différence. Que ce sont des visages, et pourtant des visages uniques. Cette banalité est en vérité la sanction de l'appropriation. Les choses qui sont banales, ou en un mauvais sens familières, sont celles que nous nous sommes appropriées, légitimement ou mentalement. Nous disons les connaître. Elles sont devenues semblables aux objets qui nous ont un jour attirés par leur éclat, leur couleur ou leur forme. Nous les avons pris dans nos mains, puis enfermés dans nos tiroirs. Nous les avons acquis, et cela fait, nous avons cessé de les regarder. Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile. Ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Entre la nature et nous, que dis-je, entre nous et notre propre conscience, un voile s'interpose. Voile épais pour le commun des hommes, voile léger, presque transparent, pour l'artiste et le poète. Quelle fée a tissé ce voile, fût-ce par malice ou par amitié? Il fallait vivre, et la vie exige que nous appréhendions les choses dans le rapport qu'elles ont à nos besoins. La fantaisie créatrice peut ouvrir votre réserve et permettre à tout ce qui y est enfermé de prendre son essor comme des oiseaux de volière. Les joyaux se transforment tous en fleurs ou en flammes, et vous serez averti que tout ce que vous aviez ou saviez était dangereux et actif, non pas en réalité efficacement enchaîné, mais libre et sauvage. Pas davantage à vous que ce n'était vous. Ce nouveau regard que Tolkien propose de poser sur le monde grâce au merveilleux, il est intéressant de le comparer au texte de Bergson que j'ai lu que j'ai choisi d'ailleurs d'insérer au sein de ce texte-là de Tolkien, puisque il est troublant de voir comment la démarche peuvent s'appeler mutuellement, puisque Bergson parle de ce voile, hein, qu'il y a ce voile très léger qu'il y a entre le monde et l'artiste, ce voile dont il se demande quelle est l'origine, hein, s'il se demande s'il n'y a pas une fée qui a tissé ce voile. À l'inverse, Tolkien dit il nous faut nettoyer nos vitres. Dans les deux cas, il y a cette modalité de regard bien particulier qui est celui de l'artiste sur le monde et qui a besoin de créer pour mieux regarder le monde qui est face à lui. C'est très troublant de voir comment les deux se répondent, Vincent Ferré. Oui, absolument, et c'est en cela que l'on voit que Tolkien est un écrivain de son temps, puisque un certain nombre d'écrivains à l'époque formulent le problème en ces termes-là. Comment faire pour casser l'habitude qui s'interpose entre le réel et nous? Comment faire pour soulever le voile de la familiarité? Là, l'expression est de C.S. Lewis à propos du Seigneur des Anneaux. Et je pense évidemment à quelqu'un comme Proust, mais des théoriciens russes de l'époque posent le problème en ces termes-là. La littérature est le moyen de dépasser les apparences et de nous approprier le réel. Hein. Je pense au très beau livre d'Anne Simon sur le sujet, sur le réel retrouvé. Et donc Tolkien, je le disais tout à l'heure, fait le choix du merveilleux pour surprendre le lecteur, l'étonner, lui plaire effectivement, mais lui plaire pour l'amener à réfléchir à ce qui l'entoure une fois le livre fermé et à regarder le monde différemment. C'est donc l'idée de la vue claire qui va permettre de redonner accès au monde tel qu'il est et tel que nous ne le percevons plus par la force des choses. Il parle